Tu sais bien où tu peux te la foutre ta morale. Ici c'est la Camorra. Ici c'est la Camourien. On dissert tes camarades. J'ai grandi dans les caves. Si je te vends mon âme, je te la vends dans l'état. On bétonne dans les tours, j'ai toujours raison, donc je m'étonne si j'ai tort. Jack et Daniel et Zubrodka nous accompagnent. La rue c'est pas ma pute, c'est ma compagne. Et c'est auprès d'elle que je m'accomplis. Ce que j'accomplis sur un complet black. On pète le score, on pète le bloc. Je suis loin des récits de Marcel Pagnol. Ce soir j'irai capter une petite paillote. En voiture tu rap jusqu'à la caillole. J'ai vu mes rêves, on est dans une profession libérale. La moitié d'Herben n'est pas libérée. Malgré les nouvelles lois de Taubira. C'est Tony Sosa, Manny Rivera. On va tu rap sur la French Rivera. On patine pas sur le retour. Au texte, on partagera le butin comme des pirates. Des mineurs à 2000 qui rêvent de la fortune des émirats. Je cuisine, devinette, combien de bouches tu nourriras. Rebêche tes guerres. Débile, ta vie va basculer en deux minutes. Parce que le démarrage est imminent. Et crois pas que la colère diminue. Rebêche des gaines, j'ai peur de tes gains. Rebêche des gaines, j'ai peur de tes gains. Rebêche des gaines, j'ai peur de tes gains. J'ai peur des dégâts, mais la chemiture, je l'ai cowboy. Ouais, la chemiture, je l'ai cowboy. Rebuche des gaines, j'ai peur des dégâts. Je suis Marseille, je suis la street. Sors des geôles, remets mes lacets, prends mon shit. Préparation, c'est deux garrots dans l'assiette. Vrai mec d'herbe, elle fait pas de joint à la cible. On débarque en match chibi comme à l'ancienne. J'ai toujours un temps de dégoût pour balancer. Lance des piques, mais ta carrière n'est pas lancée. Hypocrite et sorcière qui me ralentissent. D'abord, je pars en vrille, victoire, je garantis. Et je maudis mon corps s'il n'est pas rentable. Et je la remets encore, ça veut pas rentrer. Et je la remets en cloque, ça devient parental. Espérance de vie va pas se rallonger. Car j'ai fumé, j'ai teasé, je suis allongé. Et au 4 tours, j'ai signé mon allégeance. Pouvoir alléchant, faire du mal aux gens. J'ai tellement marché droit, j'en ai mal aux jambes. Y'en a pas, mais j'ai développé ma logique. T'as les tibac, les pushka, les bateaux chics. J'suis un loup, je ne les crains pas, c'est facochère. Ils nous regardaient de haut quand on pataugeait. Maintenant j'peux les acheter, ils sont pas trop chers. C'est pas trop chic. Rebuche tes gains, j'ai peur de tes gains. Rebuche tes gains, j'ai peur de tes gains. Rebuche tes gains, j'ai peur de tes gains. J'ai peur de tes gains, mais lâche mes tueurs, j'ai les cowboys. Ouais, lâche mes tueurs, j'ai les cowboys. Rebuche tes gains, j'ai peur de tes gains. Rebuche des gaines, j'ai peur de tes gains. Rebuche des gaines, j'ai peur de tes gains. Rebuche des gaines, j'ai peur de tes gains. J'ai peur de tes gains, mais lâche mes tueurs, j'ai les cowboys. Ouais, lâche mes tueurs, j'ai les cowboys. Rebuche des gaines, j'ai peur de tes gains.